Jour de bilan à Ville-Saguenay aujourd'hui. Le directeur général et entraîneur-chef Yannick Jean a parlé avec Dominique Bolduc et Michel Tifot sur les ondes de CKJ. Donc, on écoute cette entrevue. Il est 5h moins 25. Je viens d'entendre la météo, moins 19. On ne jouera pas au baseball dans la rue en fin de semaine. On va parler des Sags. La saison est terminée, mais on a fait le bilan ce matin. Conférence de presse avec l'entraîneur-chef Yannick Jean. Bonjour Yannick. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la série contre l'Océanique de Rimouski? Ouais, de la série, évidemment, après notre saison là, qui était au-delà des attentes, c'est certain qu'on aurait aimé mieux que le résultat soit plus positif en série. On comprend, on sait pourquoi, on connaît la maturité physique de l'équipe adverse. On sait là, qu'on n'a pas fait de transactions pour améliorer notre équipe à la dernière période des fêtes. Sauf que on n'est pas obligé de l'accepter. On veut que pour le futur, évidemment, ça soit différent dans les séries éliminatoires. Est-ce qu'il y a un moment dans la série contre l'Océanique qui vous a fait mal? Et dans quelles circonstances? Je me doute un peu de ta réponse, là. C'est quoi le point tournant dans la série? Je pense qu'il y a trois points tournants. Le fait qu'il y a un 5 minutes... qui n'aurait pas dû être un 5 minutes, le match numéro 1. Ils prennent les devants 3-0, on joue du gros hockey, on revient 3-3, on ne termine pas le travail. Le match numéro 2, on mène par 1 dans la dernière minute de jeu. On a une pénalité, ils réussissent à niveler. Ça se termine en quatrième prolongation. 3-1 chez nous, on a encore une chance de revenir dans cette série-là. 3-1 chez nous en deuxième période. Deux pénalités en zone adverse qui font mal, même si on se dit, bon, ben peut-être c'était tiré par les cheveux, mais l'arbitrage fait partie du hockey. On considère que ces trois matchs-là, là, c'est trois vraiment moments clés où est-ce que la série aurait pu tourner en notre faveur. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Après une game là-bas à Rimouski, j'ai écouté un de tes points de presse, Yannick, puis tu disais que tes jeunes avaient l'amour de la game. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est incroyable la passion que nos jeunes, les Lapierre, les Rochette, que ces gars-là ont. On s'attendait à ces séries éliminatoires que ce serait peut-être plus difficile pour eux, moins d'espace. Ils ont tout fait. Écoutez, nos joueurs de saison ont marqué 8 buts sur un total de 11 dans la série contre Rimouski. Ils ont été bons soir après soir. Ils ont été dangereux offensivement. C'est quand tu veux, quand tu as la passion, quand tu as le vouloir, la volonté, comme eux l'ont, c'est certain, évidemment, qu'il y a des bonnes choses qui t'arrivent. C'est ça qui est arrivé dans le cas de Lapierre, dans le cas de Rochette, lors de cette série-là. Qu'est-ce que tes joueurs doivent retenir, les joueurs qui seront de retour l'an prochain, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de cette épuisante série contre l'Océanique? C'est certain que c'est du bagage quand même, sauf que faut être encore plus mature physiquement, plus gros, plus fort, plus impliqué. C'est le même club qui Rimouski, là, qui a perdu en première ronde l'an passé après avoir été dominant en saison régulière. Ils l'ont fait avec plus de maturité. Je pense que avoir plus de maturité, évidemment, ça va faire une grosse différence pour nous. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ne reviendront pas l'an prochain, là, qui ne seront pas sélectionnés comme 20 ans? Est-ce que déjà tu as déjà choisi tes noms? Tes joueurs? Oui, on a rencontré chaque joueur hier individuellement. On a déjà averti là, des joueurs comme Lapalme, comme Fortin, qui ne seraient pas de retour avec nous l'an prochain. C'est des joueurs qui se sont qui ont tout donné, qui ont travaillé extrêmement fort pour notre organisation. Malheureusement, ce ne sera pas possible pour nous là, de les ramener en tant que joueur de 20 ans. Je sais que c'est difficile pour toi de nous donner des noms pour les 20 ans l'an prochain, mais est-ce que tu aimerais avoir plus de défenseurs, de l'attaque, gardien de but? Bon, on a déjà le jeune Schenk, là. Je pense que la situation idéale, ce serait d'avoir un défenseur, puis deux attaquants. Pour avoir là, amener des ailiers là, qui vont compléter là, notre trio de joueurs de centre là, de Lapierre, Rochette et Hood. On veut remplacer les Lavigne, remplacer les Murphy avec des joueurs encore plus dangereux offensivement. Sur le plan individuel, Hendrix Lapierre a été sélectionné pour le titre de recrue de l'année. A-t-il des chances, selon toi? Ben, ils sont juste deux. il fait face à un joueur qui a beaucoup de statistiques, de belles statistiques, qui a beaucoup de succès tout au long de la saison. Peut-être qu'il va jouer en défaveur de Hendrix, c'est probablement le peu de matchs joués du côté de Spence. A joué plus de matchs que lui, a été très régulier également. Donc peut-être, je m'attends à ce que ce soit peut-être difficile, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et toi, Yannick Jean, comme DG de l'année, tu as été retenu. Est-ce que tu penses avoir des chances de l'emporter? Il y en a d'autres qui ont eu du succès également. On va voir. Quelque chose là, sur lequel vraiment on met de l'emphase. Est-ce que tu es content, Yannick, de voir trois de tes joueurs être invités à des camps pro? Je parle bien sûr de Kotkov, de Hood et de Groslo. Ça veut dire la vraie vérité, non, parce que ça veut dire qu'on a fini de jouer. Oui, vu de manière. Si j'aurais pas été invité, c'est parce qu'on aurait joué ensemble. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais tant mieux si ça leur donne une expérience pour le futur. En parlant de Groslo, de le voir terminer l'année dans la Ligue américaine, crains-tu de le perdre l'an prochain comme joueur de 20 ans? On lui souhaite bonne chance. Maintenant, il y a un contrat. Ça peut arriver. On est prêt à toute éventualité là, de ce côté-là. Pour l'an prochain, parce que là, on le dit, là, cette année, on le sait, il y avait des jeunes joueurs. C'est la reconstruction. On pense que l'an prochain ou dans l'autre, ça pourrait être l'année des Sags. Penses-tu que dès l'an prochain, les Saguenayens vont être tenants dans la Ligue? Oui, on pense qu'on va avoir une bonne équipe. On va améliorer cette équipe-là au repêchage. On va tout faire en notre faveur pour pouvoir être encore meilleur, encore plus compétitif, encore plus spectaculaire, encore plus rapide sur la patinoire. C'est des choses sur lesquelles on a commencé à bâtir, puis avec le talent qu'il y a, qui grandit au sein de notre équipe, on considère que oui, on va avoir une très bonne équipe de hockey. Là, dans l'alignement qu'on a actuellement, il y a combien de joueurs qui seront de retour au camp d'entraînement de vétérans? Il y en a une possibilité de 19. Je m'attends à ce qu'il y en ait à peu près 17 qui soient de retour, puis qu'on ajoute à ça, là, peut-être là, des joueurs de 20 ans là, qui, en provenance de d'autres équipes qui pourraient être possibles. Yannick Jean, comme coach, est en congé, mais comme directeur général, tu as du travail une bonne partie de l'été encore? Oui, définitivement. Le repêchage qui s'en vient. On a encore des choix repêchage. On a trois années consécutives avec un choix de première ronde puis deux choix de deuxième ronde pour travailler. Donc, ça va être possible pour nous là, d'améliorer notre équipe là. C'est certain qu'on va continuer de suivre le hockey junior. Il y a des séries qui vont se dérouler. On va travailler pour avoir une bonne évaluation du reste de la ligue, là, étant donné là, qu'on ne joue plus. Tu dois en avoir des noms dans ta tête, des prospects. Je vois-tu prendre lui ou lui. Des fois, le choix n'est pas évident. Des fois, on le sait qu'un tel joueur est très prometteur, mais des fois, c'est très corsé là, entre un tel ou tel joueur. Ouais, on le dit souvent, le repêchage n'est pas une science exacte. Ouais. T'as vraiment raison en parlant comme ça. Yannick, on va te souhaiter des bonnes vacances comme coach, comme directeur général. Ben, on sait que tu as des décisions à prendre. On va sûrement se reparler dans les prochaines semaines. D'ici ce temps-là, ben, bon repos. Merci à vous autres. Yannick Jean.